À l'occasion du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, le comité japonais du comité d'outre-mer pour l'application de la déclaration commune du 15 juin a organisé à Tokyo un rendez-vous. À la suite des discours, on a donné lecture de l'appel du comité commun national pour l'application de la déclaration commune du 15 juin. Ensuite, s'est tenu le séminaire consacré aux 16 ans de la publication de ladite déclaration.